Hello and welcome, bonjour, bienvenue, vous écoutez La Croisière Folk, une émission qui a pour but de vous faire découvrir toutes les facettes de La Croisière Folk. Je voudrais quand même vous signaler que si vous avez envie de nous écrire, on a une adresse qui s'appelle lacroisierefolk@yahoo.com et qu'on a aussi une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Et la page Facebook, important, je tiens à vous le signaler, j'ai mis un petit message sur cette page qui vous donne des instructions. Parce que si vous avez envie d'enregistrer un petit message vocal gratuitement qui parle donc de la croisière folk, hein, si vous avez envie de dire pourquoi vous aimez la croisière folk, eh bien c'est tout à fait possible. Allez sur notre page Facebook, vous trouverez le petit message et puis vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et enregistrer votre message que nous diffuserons bien sûr sur antenne. I want to let you know, if you want to record a message for this program, it's free. You go to our Facebook page, La Croisière Folk. There is a little message about that. Just follow the instruction and you click on the link and you record a nice message for us. Thank you. Voilà, comme ça, j'ai dit un petit mot à toute la communauté internationale qui nous écoute. Alors, on a démarré avec David, Stephen et Graham, autrement dit Crosby, Stills & Nash et Marrakech Express. Je vous propose de poursuivre avec Mary Black et Treasure Island, Nathalie McMaster, The Drunken Paper, et puis un Italien qui s'appelle Luca Bassanese. Il nous chante I Bambini, autrement dit les enfants, c'est une chanson bilingue. C'est extrait de l'album Liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum pam. Moi j'aime bien le pim pum pam de cet album de 2017, donc qui est ce Luca Bassanese? Eh bien c'est un Italien, il est chanteur, auteur, compositeur, interprète, acteur, écrivain et musicien, rien que ça. Il est également militant et écologiste, il est aussi l'un des représentants les plus importants de la nouvelle vague populaire folk italienne. Ses textes sont à la fois poétiques, satiriques et dénoncent de façon originale toutes les contradictions de son pays. Alors ce CD, Eh bien, c'est un jalon dans sa carrière. Chaque chanson a une puissance poétique et un tel contenu cognitif qu'on se sent émerveillé. Les paroles et la musique sont si touchantes et efficaces. Il est certain que certaines d'entre elles auront une signification particulière pour certaines personnes. Par exemple, le clip vidéo qui s'appelle « Credo in una scuola », donc « Je crois en une autre école », a déjà été vu par 1 million de personnes sur Facebook. Et puis, sachez que toutes les chansons de cet album ont donné naissance à un clip vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Luca Bassanese pour voir les clips et aussi sur YouTube. Allez, on est parti pour ce voyage magnifique et magique. Tiens, oui, on a quelqu'un qui a dit que c'était une émission magique. Il a de la magie dans cette émission. On se croirait chez Disney, tiens. Voilà, j'espère que vous allez passer une heure bien agréable en ma compagnie. Chez nous, il y a du folk à tous les étages, comme je le répète. Et puis, sur la terrasse, vous savez quoi? Il y a toujours des bananes. You are listening to the best radio station in town. Path of least resistance. It's not some words you get to say. It's a stream running up a mountain. It's a wave rolling out from the shore. Wish I could say I never felt that way before. Chasing after her dreams, and she is the one and only one who knows how hard it could be. There's treasure on her island, buried in the city of news. Wish I could say we didn't have that much to lose. Could not see the good in his life, in his mirror or his coffin. His hopes had come down like a knife. It's a stream running up a mountain. It's a wave rolling out from the shore. Wish I could say I never felt that way before. There's treasure on these islands. To lose, oh, oh. cost you get again, you be. Jewel and a cut the ends of cost you get again, you be. Jewel and a cut the ends of cost you get again, you be. Para me, me, he, me, my walk is sound. Para me, me, he, is on the beast, my walk is para me, me, he, is on the beast, my walk is para me, me, he, is on the beast, my walk is para me, me, he, me, my walk is sound. Each me in a sheen on the wool, but I a fever. Each me in a sheen and do, but I a fever. Each me in a sheen and do. Super, vous êtes super. Les enfants jouent sur la terre, se brossent les dents, puis font des rêves. Les enfants de l'univers jouent sous la lune et le soleil. I bambini sono l'anima del mondo. I sorriso, il bene più profondo. Bambini come angeli legati dei fili, bambini si rincorrono dentro ai cortili, bambini attraversando il mare. Et l'amour que l'amour pourra les sauver. 1, 2, 3, je pense à toi, les enfants sont des étoiles. 1, 2, 3, je pense à toi, et les enfants sont des étoiles. Freedom in your eyes, freedom in your eyes. Whoa, oh, oh. Freedom in your eyes, freedom in your eyes. Whoa, oh, oh, oh. Freedom in your eyes, freedom in your eyes. Les enfants jouent sur la terre, se brossent les dents, puis font des rêves. Les enfants de l'univers jouent sous la lune et le soleil. Sous la lune et le soleil. Ogni bambino è una storia infinita. 1, 2, 3, je pense à toi. Che se la scrivi su un libro di carta non basterebbe 1, 2, 3, una vita. Je pense à toi. Bambini come foglie si rincorrono al vento. Bambini che cantano, bambini che piangono. Ascoltiamo ogni vita che cresce. È l'unica speranza per un futuro di pace. Di pace. E l'amor che l'amor pourra les sauver. Freedom in your eyes, freedom in your eyes. étoiles. 1, 2, 3, je pense à toi. Les enfants sont des étoiles. 1, 2, 3, je pense à toi. Et les enfants sont des étoiles. Et l'amour que l'amour pourra les sauver. Freedom in your eyes. Freedom in your eyes. Freedom in your eyes. Freedom in your eyes. Whoa, oh, oh, oh. Freedom in your eyes. Freedom in your eyes. Les enfants jouent sur la terre, se brossent les dents et font des rêves. Les enfants de l'univers jouent sous la lune et le soleil. Les enfants jouent sur la terre, se brossent les dents, puis font des rêves. Les enfants de l'univers jouent sous la lune et le soleil. Vous écoutez La Croisière Folk. Alors, je ne sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais ici, il fait gris et venteux. Et je me pose la question, est-ce que c'est pour ça que mon chat est nerveux ? Allez, tout de suite, voici cette chronique 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Pour ceux qui découvrent cette émission, c'est la découverte d'un album en trois chansons. Toujours très difficile de sortir trois chansons d'un album parce que on pourrait les écouter toutes, mais alors l'émission devrait durer 2 heures. Et aujourd'hui, c'est un duo, Hazel Dickens et Alice Gérard, et l'album s'appelle Pioneering Woman of Bluegrass, The Definitive Edition. Alors, il faut savoir que les harmonies envolées et le son entraînant des groupes à cordes, qui est formé donc un duo, formé par Hazel Dickens et Alice Gérard, ont fait éclater le plafond de verre du bluegrass qui était dominé par les hommes dans les années 60. Leur influence sur la musique, et pas seulement sur la musique roots, c'est vraiment difficile à estimer. Elles ont été reconnues par des artistes aussi divers que les superstars de la country Naomi et Winona Judd, la championne de flatpicker Molly Tuttle et la punk rockeuse proto-féministe Kathleen Una. Leur dévotion inébranlable à leur propre style percutant a inspiré des générations de femmes dans le bluegrass. Pioneering Woman of Bluegrass, The Definitive Edition, rassemble toutes les chansons des deux artistes, donc d'Hazel et d'Alice, ainsi qu'une piste bonus inédite, le tout remasterisé par leur producteur original. Et elles sont rejointes dans ces enregistrements par les légendes du bluegrass telles que Chubby Wise et David Grisman. On écoutera trois morceaux, Who's That Knocking, Can't You Hear Me Calling, et puis Darling Nessie Across the Sea. 1, 2, 3. He's on his bed of rest. when this message came to me. It was from my darling Nelly, who is far across the sea. Oh, dear Jack, I know I'm dying. I've no friends, no parents now. But remember, dearest Jackie, there's a home for us on high. Hold your mother, I must leave you. I must go across the sea. I must find my darling Nelly, who so dearly cares for me. I was wandering through the graveyard when I found where Nelly lay. It was there my heart was broken. It was there in Elven grave. Now I'm left alone in sadness on the field the flowers wave. There my darling Nelly sleeping in a cold and silent grave. Lay me where my Nelly's sleeping, let me lay close by her side, where the creeping flowers are blooming. Let me lay there when I die. Voilà l'album qu'on vous a fait découvrir cette semaine, un album d'un duo féminin qui a un peu secoué, je dirais, la masculinité du bluegrass. Hazel Dickens et Alice Gerard, un album qui vient de sortir qui s'appelle Pioneering Women of Bluegrass de Definitive Collection. Et c'était publié, attendez, je ne retrouve plus le... Voilà, ça c'est quand on fait des notes à la main, chez Folkways, voilà, on fait des notes à la main puis on sait plus se relire. Et on a écouté trois morceaux, Who's That Knocking, Can't You Hear Me Calling et Darling Nessie Across the Sea. Allez, un petit Victor Hugo, interprété par la comédienne belge Julie Verlaye, Demain dès l'aube. Alors en fait, il faut savoir que c'est notre partenaire Thalie Envolée, c'est une association, c'est en fait un projet artistique innovant et philanthropique. Leur but est de rendre la poésie accessible, et bien parce qu'elle est toujours et encore vivante. Vous pouvez aller sur leur site, hein, Thalie Envolée, donc Thalie, T-H-A-L-I-E, et puis envolée.be. Vous pouvez les écouter sur YouTube, SoundCloud, et les suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Allez, tout de suite, Victor Hugo, Demain dès l'aube, donc interprété par Julie Verlaye. Ensuite, il y aura Hugo Frey, La fille du Nord, Nolwenn Leroy, extrait de son album Folk. En 2018, on écoutera Jolie Louise et puis Les Points Chevaux avec un morceau Allons nous promener. Et cet extrait de leur album de 82, Écouter, chanter, danser le folk de notre cru, un enregistrement en public. Demain, dès l'aube. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt. J'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Si tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière,

carousel turns in my head and I can't hide. No, no, no, no. And the rage turned in my head. And Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, losing my mind. Losing my mind. En septembre 63, the kids are gone and so is Louise. Ontario, they did go near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down tous les jours. Oh, oh, oh, oh. And I remember the days and the promises that we made. Oh, oh, Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Oh, oh, Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Oh, oh, Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit d'une brune aux yeux marrons. Et si j'étais blonde aux yeux bleus? Cela ne changerait rien, vous êtes mon type de femme, Larmina. Tiens donc, et si j'étais naine et myope? Eh bien, je ne vous laisserai pas conduire, ça n'a pas de sens. Ça y est, on a tous les gros les clochettes, là. Les grands comme les petits, hein, on y va. On va commencer à jouer sur ce que joue Michel avec son accordéon diabolique, diatonique, élastique. Voilà, on y va, attention, on y va. Clairière, un petit nid douillet au pot signiché. Mais là nous trouverons une jolie clairière, un petit nid douillet au pot signiché. Allons promener le long de la rivière, allons promener le long du ruisseau. Allons promener le long de la rivière, allons promener le long du ruisseau. Derrière le fourré, j'y veux bouger. Derrière le fourré, j'y veux bouger. C'était le garde-pêche, des filets il relevait. C'était le garde-pêche, des filets il relevait. Allons nous promener le long de la rivière. Allons nous promener le long du ruisseau. Allons nous promener le long de la rivière. Allons nous promener le long du ruisseau. Mais là nous trouverons une jolie clairière, un petit lit douillet pour s'y nicher. Mais là nous trouverons une jolie clairière, un petit lit douillet pour s'y nicher. Mais oui, Marie-Chaussée, vin là où t'as passé, avec lui échanger, avec lui échanger des litres de calva volés chez le fermier. Allons le promener le long de la rivière, allons le promener le long des ruisseaux, allons le promener le long de la rivière, allons le promener le long des ruisseaux. Mais oui, nous trouverons une jolie clairière, un petit nid douillé pour s'y nicher. Mais oui, nous trouverons une jolie clairière, un petit nid douillé pour s'y cacher. Sur clochette simplement. Allez. Encore. Comme nous sommes dans une croisière, eh bien nous allons nous évader. Puisque nous avons parlé de Luca Bassanese, tiens, vous avez déjà eu l'occasion de voir ses clips ? Ah ben non, puisque vous écoutez l'émission, vous n'allez pas me faire, vous n'allez pas comment me faire d'infidélité en regardant des clips de Luca et en, il faut écouter l'émission. Eh bien, on va partir en Italie. Alors, au nord de l'Italie, sachez que la beauté des paysages de la vallée d'Aoste est vraiment une région très attractive. La région des lacs n'a cessé d'attirer et de séduire les visiteurs. C'est ce que nous dit le guide du Routard, nos 1200 coups de cœur du monde. La Ligurie, qui est coincée entre la mer et la montagne, est célèbre pour la douceur de son climat. C'est la Riviera italienne. Côté Levant, les cinq terres se méritent avec leurs cinq petits bourgs accrochés à leurs montagnes pour ne point tomber dans la mer. La Toscane et l'Ombrie bourdonnent de leurs hauts lieux culturels de Florence à Assise et de Sienne à Pérouse. Des bosquets de cyprès sont disposés sur des collines d'une région nourricière et enchanteresse. Alors au sud de l'Italie, hein, puisqu'on voyage un petit peu, c'est Naples, Pompéi et Herculanum qui sont les sites archéologiques les plus visités au monde. Sans oublier la célébrissime Pisa. La découverte des Pouilles dévoile une terre agricole où les constructions de pierre se fondent dans le paysage à l'image des toits coniques, des trullis disséminés dans le pâturage et les oliveraies. Et enfin, pour la Sicile et la Sardaigne, eh bien, vous n'avez qu'à lire les chapitres de ce livre, donc nos 1200 coups de cœur du monde. Et que faire ? Eh bien, si vous partez en Italie, randonnez, par exemple, dans le parc national du Grand Paradis, c'est l'un des plus beaux d'Europe. Il est étendu sur 70 000 hectares entre la vallée d'Aoste et le Piémont. C'est le plus ancien parc national d'Italie. Respirez l'air pur et observez les bouquetins, les gypaètes et autres marmottes et renards. Un terrain de jeu idéal pour les petits et grands avec ses prairies, ses forêts de mélèzes et d'épicéas et ses rochers acérés. Voilà, donc l'Italie. Tiens, puisqu'on parlait de balades, sachez que, eh bien, dans mes interviews d'Eric Cooper, j'ai interviewé quelqu'un qui s'occupe de balades. You say love is why you're leaving. I'd say love is why you should stay. Oh, but you must really want him. I just hate to see you walk away. So kiss me one to go, love. Don't say goodbye. And if you don't take too long, dear, you won't ever get to see me cry. Time I know won't be long. Remember, I still love you, and that I will always be around. So kiss me once and go, love. Don't say goodbye. And if you don't take too long, dear, you won't ever get to see me cry. No love, don't say goodbye. And if you don't take too long, dear, you won't ever get to see me cry. I wish you'd smile more when you're gardening, Richard. If I do that, they're gonna lock me away. Try to look as though you're enjoying it, dear. But I don't particularly enjoy it. It's just something that has to be done. Well, that's how it appears. The garden looks well enough. Oh, it's not the garden, dear. It's you. You look as though you're not enjoying doing it, which gives the impression that we can't afford a gardener. Can't afford a gardener? Shh, Richard, keep your voice down, dear. If we can't afford a gardener, that's all the more reason why we should look as though we can afford a garden. So in future, could you look like someone who enjoys doing his own gardening, but could afford a gardener if he wanted to? Of Detroit for the promise of a $5 day. They would come by in December while the folks were alive with gifts from the money they made. And they'd talk of the nights beneath the bright city lights and wonder how I ever stay. And I tell them, oh, your bright lights don't shine like a Kentucky morning. You can't hear a whippoorwill out on the street. Give me a good piece of land and an old cane back rocker while I close on. headed up north to visit a brother of mine. Said he'd talk to his foreman for to get me a job working midnight assembly line. And I was there with my brother making factory pay. Good Lord, my soul was alone. It was 4 in the morning. I shut down my machine and I told them I'm going home. Oh, your bright lights don't shine like a Kentucky morning. You can't hear a whippoorwill. Vous écoutez la musique folk dans cette émission La Croisière Folk. Alors c'est bon comme un grand bol de chocolat chaud, la musique folk. Et on se quitte avec Shore Patrol et Road Back, un groupe qui nous vient d'Écosse. Alors, on va se quitter. Je voudrais quand même vous rappeler que si vous allez sur notre page Facebook, que vous avez liké bien sûr, eh bien il y a un petit message qui vous indique comment enregistrer un message pour cette émission, un message vocal. Alors c'est très simple, vous suivez les instructions, vous cliquez là où on vous dit de cliquer, vous serez redirigé vers un autre site, hein, c'est Vodio. Et là, vous aurez la possibilité de m'enregistrer un message. Donc, si vous avez envie de chanter une petite chanson jingle, eh bien, pour peu que vous ne chantiez pas trop faux, eh bien, sachez qu'on s'en servira pour cette émission d'avance. Merci. Allez, je vous quitte. On se retrouve la semaine prochaine. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt. I'll be back. Et vous trouvez ça drôle ? Ah non, non, non. Moi non plus.